الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau chapitre, il nous restait à voir le quatrième point du chapitre précédent, d'accord ? Et je voudrais que vous me rappeliez après, Inch'Allah, à la fin, on m'a demandé de faire une annonce pour une fête concernant l'Aïd, qui est organisée en guise de collecte pour le Majid Sunna, hein, pour le projet de Majid Sunna que vous connaissez tous. C'est-à-dire que les frères ici, on a un projet de construire, Inch'Allah, une mosquée avec une nouvelle école, Anis Salafia, une école primaire, ainsi qu'un collège. Des pompes funèbres, hein, où on peut, Inch'Allah, laver les morts, etc. Et je vous assure qu'on en a besoin. Moi, j'ai déjà été dans des morgues ici, et c'était dans des mosquées soufis, et je peux vous dire qu'on n'avait pas le choix. Et c'est ce que vous voyez là, et les bid'a que vous voyez là, Allah al-Musta'an. Hein, et même, je dirais, shirkiyat. Hein. Donc, on va en parler en plus, en détail, à la fin. À la Kulli Hal, on m'a donné une annonce à faire pour le jeudi 18 novembre, et d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, où ça se passe, l'adresse, etc. Donc rappelez-moi à la fin du cours, je pense que c'est mieux de le faire à la fin, Inch'Allah. Après ça, maintenant, on rentre dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qui sait me rappeler le titre du chapitre, l'intitulé du cours de la fois passée, qu'on resitue un peu le cadre de ce qu'on a fait. Ouais, c'est exactement... Wujub al-qira'a fi sirriya. D'accord ? On a vu que la vie que Cheikh Bazmoul rend le plus fort, c'est quoi ? C'est qu'il faut réciter la Fatiha, comme ça. Il faut tout le temps la réciter. Il faut la réciter dans tous les cas. C'est-à-dire, si tu pries tout seul en tant que munfarid, ou si tu pries en tant qu'imam. Hein? Évidemment, si tu pries derrière l'imam à voix basse et à voix haute, donc dans les prières à voix basse et les prières à voix haute. Et il nous restait donc, comme j'ai dit, un quatrième point à lire. C'est le quatrième ou c'est le cinquième? Quatrième, ok. Bien, il reste 4 et 5, donc, frère Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui, il était censé être un peu plus court que d'habitude et je l'ai fait plus long que d'habitude. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais en profiter. On est samedi soir, on est un peu plus libre que d'habitude, on est entre frères, on va faire une petite nasiha à la fin sur un sujet qui n'a rien à voir avec le livre. Hein? Je vous laisse deviner c'est quoi le sujet, Inch'Allah, pour un peu entretenir le suspense, Inch'Allah. Et c'est une technique que Cheikh Mohamed Ben Ramzan al-Hajiri l'avait utilisée quand il était venu ici. Vous savez ce qu'il a fait quand il a donné le dernier cours? C'était quoi le sujet des derniers cours? Hein? Sur l'ennemi de l'individu. Elle avait fait courir le bruit qu'il y avait un cours sur une mes'alat, parmi les choses les plus importantes. Ouais, évidemment, vous avez vu le monde qu'il y avait ce jour-là, au cours, hein? Il a suscité l'intérêt. D'accord? On va essayer de faire la même chose, Inch'Allah, on va garder le sujet pour la fin. Donc, quatrième point, le mes'alat al-rabi'a, tiré du chapitre concernant l'obligation de lire la fatiha, de réciter dans les raka'at, les unités de prière à voix basse, أن المصلي في صلاته إنما يناجي الله عز وجل وأنه عليه أن لا يشوش على غيره من المصلين في هذه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجر بعضنا على بعض بقراءة القرآن. On avait déjà lu celui-là, non? Si, si, quand j'avais parlé de Cheikh Taqeddin Hilali, non? On n'avait pas vu? Ok. فَالتَّشْوِيشُ فِيهَا بِغِيرِ الْقُرْآنِ يُنْهَا عَنْهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْمُصَلِّ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. Oui, je voudrais que les sœurs ou les gens qui sont sur Paltol, que les sœurs qui sont à l'arrière, qu'ils n'entendent pas, qu'ils nous le fassent savoir, Inch'Allah. Donc, quatrième point, quatrième affaire, on commence ici que le prieur, lorsqu'il est en état de prière, est en confidence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yunaji rabbahu. Il se doit donc de ne pas déranger par sa prière les autres prieurs. Ça, c'est Allah, il faut faire attention à ça. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit que l'on élève nos voix les uns au-dessus des voix des autres en récitant le Coran. Dérangé par autre que le Coran, donc, entre en premier lieu dans l'interdiction. Ça veut dire que si c'est déjà interdit pour le Coran, même comme on dit en arabe, une babi aula, qu'en est-il alors, si vous voulez, qu'en est-il alors de ce qui est autre que le Coran? Le cheikh ici, c'est une preuve. Il dit la preuve de cela est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait. D'accord? N'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Le bénéfice que l'on tire de ce point, Cheikh va dire, le bénéfice qu'on tire de ce point, وفائدة هذه المسألة تظهر إذا تذكرنا أن ضابط القراءة الجهرية أن يقرأ القرآن محركا شفتيه أن يقرأ القرآن محركا شفتيه ولسانه مسمعا ما هو قريب منه وضابط القراءة السرية أن يحرك شفتيه بالقرآن مسمعا نفسه. On avait déjà lu ça, je me souviens, Allah alama. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ القراءة بتحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه. ومعنى هذا الكلام أن المصلي في الصلاة السرية قد يحدث منه رفع الصوت أحيانا بشيء من القرآن ومنه الذكر فينبغي أن يحرص على أن لا يشوش على غيره لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ومنه تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من أنه في القراءة السرية أو حينما يكونون خلف الإمام ويقرؤون سورة الفاتحة لا يحركون لسانهم ولا شفتيهم وهذه الحالة منهم لا تعد قراءة في الشرع ولا في اللغة لأنه بدون حركة اللسان والشفتين لا يقال على الإنسان أنه قارئ. فالذي يقف في الصلاة لا يحرك لسانه وشفتيه في قراءة القرآن ولا في قول الأذكار في الركوع والسجود أو بدعاء الاستفتاح لا يقال إنه قارئ ولا يقال إنه ذاكر فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حضور وقراءة ولا ذكر. Donc qu'est-ce que Cheikh rapporte ici concernant ce point? Il dit que on a dit la preuve, c'était quoi? C'était que le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait, n'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Et Cheikh tire une faïda de ça. Il dit, le bénéfice que l'on tire de ce point est apparent lorsqu'on se rappelle que lire à voix haute, c'est quoi? De réciter le Coran en bougeant les lèvres et la langue et faisant entendre à celui qui est proche. C'est-à-dire que toute personne qui est proche peut l'entendre. Et lire à voix basse, c'est de bouger les lèvres en récitant le Coran, en se le faisant entendre à soi-même. D'accord? Et maintenant, il rapporte l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, l'avis préféré par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est qu'il est suffisant de réciter en bougeant la langue et les lèvres même si on ne se fait pas entendre à soi-même. D'accord? Le sens de cela, c'est que le prieur dans une prière à voix basse il se peut qu'il arrive qu'il lève la voix de temps en temps en récitant le Coran et en invoquant. Il lui incombe donc de faire attention, de ne pas déranger autrui. Et ça, on va arriver dans le chapitre juste qui suit sur le même genre de bénéfice et que ça revient toujours à la même chose. Le fait que l'insan ne doit pas être ghafil dans la salah. Et des fois, quand on voit certains frères prier, quand on se voit prier, subhanallah, est-ce qu'on vraiment est attentif à ce qu'on fait? Et qu'on se rappelle le hadith du prophète salam, prie, comme si quelqu'un il fait son taudir. En français, on traduit ça par faire ses adieux. Donc, j'aime pas cette expression en français parce que adieu, nous croyons en adieu. Les adieux en français, c'est avec un X à la fin. D'accord. Donc, c'est quoi ça veut dire littéralement de faire quoi? Quand on part en voyage, on fait taudir. Vous connaissez ça? Eh bien, c'est-à-dire que tu pries. Comme si c'était quoi? C'est ça que ça veut dire. Comme si c'était ta dunya. Allez, comme si tu quittais dunya. Allez, billah alaykoum. Comment elle serait notre prière? Moi, je me mets dans le sac aussi. Comment est-ce qu'elle serait notre prière si on se rappelait ou si on priait comme si on quittait le monde? Alors que chaque prière parmi nos prières, elle devrait être comme ça. Wallah, c'est une nasiha pour moi avant tout et pour nous tous ici. C'est pour ça l'importance de ce genre de cours. C'est le rappel. Le rappel, il profite aux croyants. Le rappel, il ne se sent pas mal par rapport aux croyants. C'est vrai que ça peut faire mal dans le sens où on sent qu'on a mal fait. Mais alhamdulillah, rahmatullah azulillah, tawba, elle est possible. Et justement, c'est bien de savoir pour changer. Et Bilqim, rahimahullah, il a dit une belle parole dans le fawaid. Il a dit que le temps, il est divisé en deux. Il y a le temps qui est passé et le temps qui reste. Le temps qui est passé, on s'est récupéré quelque chose, on s'est changé quelque chose. C'est trop tard. Tout ce qu'on sait faire, c'est l'istighfar et tawba. Et un temps qui nous reste, on sait combien il nous reste. Là. Donc moi, je dis ça ici. Pourquoi? Et c'est une des raisons pour laquelle, malgré le fait que je suis très occupé, j'ai vraiment voulu, j'ai fait tout pour reprendre ces cours. Et j'ai demandé conseil à certains des frères ici, etc. Je les ai consultés là-dedans. Annie, parce que moi déjà, ça me bénéficie à moi-même en préparant les cours. C'est un rappel déjà pour moi. Parce qu'en préparant les cours, évidemment, moi j'apprends des choses aussi. Et ça me rappelle. Ça me fait un rappel. Et pour les frères ici aussi, regardez la rahma d'être autant de frères ici dans une mosquée. Parmi les mosquées d'Allah Azzawajal, les demeures d'Allah Azzawajal. En plus, une mosquée des gens de la Sunna. Pour se refaire justement ce genre de rappel, essayer que, tant qu'on peut, de se rappeler, de changer surtout, de se rappeler systématiquement, continuellement, comme j'ai dit dans le cours passé, le tafsir sourate al-Asr, vous vous souvenez? Et comme ça, Inch'Allah, de semaine en semaine, on a au moins deux cours par semaine. Puis vous avez la Jumu'ah, vous avez les cours avec nos frères, Hafidahumullah, Jami'an, Abu Talha, le lundi, Sharh Sunan al-Barbahari. Vous avez les cours qu'on fait ici le mardi, au Sul Sita. Vous avez mercredi qui? Abu Hakim, Sharh Hamdat al-Ahkam de Sheikh Najmi. Regardez les livres qu'ils choisissent. Lundi, vous avez l'Aqida. Mardi, vous avez encore l'Aqida al-Manhaj. Mercredi, vous avez tout ce qui rentre dans le fiqh. Naam. D'accord? Et puis jeudi, vous avez encore Abu Talha avec Riyad Salihin. Allahu Akbar. Raqa'iq. Quel livre, Riyad Salihin? Ça fait combien d'années? On va demander aux frères qui sont plus anciens. Ça fait au moins 3-4 ans, non, Mourad? Plus que ça, on me dit que le frère est occupé dans ce livre-là. Hafidahullah. Puis vous avez vendredi, Sharh Aqidat l'imam Mohamed al-Wahhab avec Abu Khadija. Samedi, encore un cours. Que les frères, ils croient que c'est pour les sœurs. Que les sœurs, c'est pas que pour les sœurs. C'est aussi pour les frères. Mais c'est des masaïl qui touchent plus le mariage, les problèmes familiaux, etc. C'est pas que les sœurs qui sont concernées, loin de là. Et dimanche encore, le même sujet si je ne me trompe pas, c'est dimanche aussi à Abu Hakim. Yani, c'est-à-dire que si on veut, on peut rentrer dans une situation où on n'oublie pas l'alhamdoulilah. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que chaque jour, en tout cas chaque fois qu'on peut venir dans la scène, on a un rappel. Donc ici, regardez, ici, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il ne faut pas être insouciant, il ne faut pas être rafil, il faut être attentif dans la prière. Et comme on va le voir plus tard dans le cours, c'est attentif avec le cœur, attentif avec le corps et attentif avec le nefs. C'est pas que le corps qui est présent. Attention, fais attention. Est-ce que moi je dérange pas les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je prie bien? Est-ce que chaque geste que je le fais? Évidemment, sans rentrer dans le wouswas encore une fois. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien ma prière? Est-ce que je suis bien concentré? Est-ce que je me rappelle que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me pose la question, c'est peut-être ma dernière prière, est-ce que je l'ai priée comme si c'était ma dernière prière? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier ici, dans ce genre de pays, on oublie un peu la mort. Hein? Et c'est fait exprès. On nous cache. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de janaza dans la rue, des gens qui marchent dans la rue. Hein? Derrière un cercueil, un linceul. Hein? Même si ici j'utilise des cercueils, etc. Mais quand vous allez voyager dans les pays arabes, hein, c'est pour les frères Katola Umrah dans d'autres pays musulmans, et bien vous voyez, la faïda de suivre une janaza, de prier sur un mort, puis de suivre la janaza à pied jusqu'à le baqi'a, hein, et puis ensuite de l'enterrer. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, en tout cas c'était en Jordanie, et je vous assure, Allah, ce jour-là, ça m'a fait un grand bien. Parce que je suis rentré dans la tombe, et moi je suis ressorti, lui il est resté. D'accord? Donc, on est là pour se rappeler. On ne va pas vivre ici éternellement. Hein? Peut-être demain, salat ala Mahdi, salat ala Foulan. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un frère de la mosquée ici, 34 ans, il est mort. Hein? Omar Rahimahullah, un frère jamaïcain. Il était ici, prié avec nous à la mosquée, etc. Il est mort, Rahimahullah. Il est mort dans son lit, tout simplement. Hein? Annie, c'est... Alhamdoulilah, je vois que les visages ils sont un peu touchés par ce que je dis, c'est bien, c'est un bon signe. Inch'Allah, on s'en joigne à ça. Parce qu'à la fin du compte, on ne sait pas quand on va partir, comme je l'ai dit. Eh bien, il convient donc d'essayer de se préparer au maximum. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh, ici? Il dit, en invoquant, il lui incombe donc de faire attention de ne pas déranger autrui, dans la prière à voix basse et la prière à voix haute. Par cela, tu connaîtras l'erreur commise par ceux qui, dans la récitation à voix basse, ou lorsqu'ils récitent derrière l'imam la Fatiha, ne bougent ni leur langue, ni leurs lèvres. Ceci n'est pas considéré, dans la législation islamique, ni dans la langue arabe, comme une récitation. Car il faut absolument bouger la langue et les lèvres, et on ne dit pas de quelqu'un qui ne la fait pas, qui ne le fait pas à fond, qu'il récite. Et on ne le considère pas comme quelqu'un qui est en train de réciter. Celui qui se tient debout dans la prière sans bouger la langue ni les lèvres lors de la récitation du Coran ou une invocation dans la prosternation et l'inclinaison ou une invocation d'ouverture, eh bien on ne dit pas de lui qu'il récite ou qu'il invoque. Il sort donc de sa prière comme il y est entré. Regardez maintenant justement le contraire quand on est insouciant. Vous voyez quand on est insouciant, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Hein? Eh bien, regardez quoi? Il rentre dans sa prière, il est en train, enfin, il sort de sa prière comme il y est entré. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Eh bien, sans récompense, ni présence, ni lecture, ni invocation. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire, ya ikhwa. Il faut vraiment faire attention à être concentré sur. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, wallah, Cheikh Al-Fawzan, subhanallah, il a des paroles comme ça qui sont. Il est toujours fait mahalliha. Hein? Et que si courte mais puissante. Cheikh Al-Fawzan, parmi les paroles comme ça que j'ai retenues de lui, il dit quoi? Il dit, si tu veux savoir, comme un thermomètre si vous voulez, si tu veux savoir le degré de ta relation avec Allah Azza wa Jal, regarde ta prière. Khalas, fini. Ah, ça c'est puissant, ya ikhwa. Wallah, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, quand tu vois ta prière, tu te dis, subhanallah. Bien voilà ta relation avec Allah Azza wa Jal. Cinquième affaire, cinquième point tiré du chapitre, le dernier, المسألة الخامسة. في هذا الفصل بيان أجر قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Et un frère qui m'avait posé la question, on va voir ça en détail aujourd'hui par rapport à ça, pour bien voir qu'est-ce que ça veut dire. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر والحسنات بعشر أمثالها. له في كل كلمة. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh ici. Il va expliquer après. C'est chaque mot, c'est pas chaque lettre. Chaque mot. كل كلمة يقرأها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فله بقراءة سورة الفاتحة. Regardez, vous allez comprendre. الحمد لله. الحمد كلمة. ولله كلمة. الرحمن كلمة. الرحيم كلمة. كلمة مالك كلمة. يوم كلمة. الدين كلمة. يين دما سور الرحيم ici. Vous avez ça aussi? Faut corriger ça inchallah. وليس المراد بالحرف حرف الهجاء. لدخل الفابيكم والفور إن شاء الله. فلا يقال الحمد لله فيها تسعة وعشرة أحرف. هذا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألف حرف ولام حرف، ومعلوم أنه لو أراد حروف الهجاء لكان في ألف ثلاثة أحرف وفي لام ثلاثة أحرف. والآية إنما ذكرت أسماء الحروف، فتنبه. قال ابن الجزري رحمه الله، ثم ذكر قولا لابن الجزري الإمام رحمه الله. On traduit d'abord ça. Il y a dans ce chapitre la mise en évidence de la récompense pour la lecture du Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense, et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Évidemment, nous, ce qu'on va penser, c'est quoi? C'est la lettre elle-même, ça, hein? Eh bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Les savants ont dit, le sens du hadith est que le lecteur du Coran a pour chaque mot du Coran une récompense. Kullu kalimatin. Hein? Mot. Et chaque hasana est multiplié par 10. Chaque mot qu'il lit, il a une hasana qui est multipliée par 10 dans sa lecture d'Al-Fatiha. Il a donc Alhamdu, un mot. Alillah, un mot. Ar-Rahman, un mot. Ar-Rahim, un mot. Malik, un mot. Yawm, un mot. Etc. Ad-Din, un mot. Et ainsi de suite. Il y a donc pour chaque mot une hasana qui est multipliée par 10. Ce qui est voulu dans le hadith par lettre, ce n'est pas la lettre alphabétique. C'est quoi donc? On ne dit pas que donc Alhamdulillah c'est 9 lettres. Hein? Ou 10 lettres. Ceci n'est pas correct, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alifon est une lettre et Lamon est une lettre. Et il est connu que s'il voulait dire par là la lettre alphabétique Alif, eh bien c'est que quoi? Il leur dit qu'Alif donc a 3 lettres. Pour les frères, regardez, imaginez-vous, écrivez Alif dans votre tête. Il y a combien, dans le mot Alif, si vous voulez, il y a combien de lettres? 3. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Fa. Alifon. Al-Hamza, Afon. Al-Hamza, Lam et Al-Fa. Ça fait 3 ou pas? C'est ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit: et Lam également 3 lettres. Et le verset n'a cité que les noms des lettres. D'accord? Cheikh al-Hadith, non? Cheikh il a dit, c'est le Hadith ici. C'est le Hadith qui a cité que les noms des lettres. Ou en tout cas même le verset, ça. Fais donc attention à cela. Et puis c'est une parole d'Ibn al-Jazari, qui est décédé en 833 de l'Hégire, rahimahullah. Il dit rahimahullah fi akhir kitabih an-nasr fi al-qira'at al-ashr fi al-fasl alladhi 'aqadahu fi umurin tata'allaqu bi khatm al-Qur'an wa qad sa'altu shaykhana shaykh al-Islam ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa huwa sahib at-tafsir al-mashhur ma al-murad bil-harf fi al-hadith ya'ni hadha al-madhkur huna fa qala al-kalima li hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah man qara' al-Qur'an falahu bi kulli harf عشرة حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الذي ذكره هو الصحيح إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف ولام بثلاثة وميم بثلاثة وقد يعسر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له فكثير من الناس لا يعرفه. ثم ذكر أنه رأى أبا العباس بن تيمية يقرر هذا في كتابه على المنطق فقال: وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل، فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لغة العربي أصلا. On va s'arrêter là, on continuera après inshallah. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rapporte une parole d'Ibn al-Jazari, l'imam, rahimahullah, hein, pour les frères qui ont fait un peu de tijoud, ils le connaissent, décédant 833 de l'Hégire, quand il fasse miséricorde, il a dit à la fin de son livre, Al-Nashr fil qira'at al-Ashr, ce qui concerne les 10 récitations, dans le chapitre qu'il a consacré à des choses liées à la compilation du Coran, j'ai demandé à notre shir. Et c'est qui son shir ? Shir al-Islam, Ibn Kathir, rahimahullah, qui est décédant 749 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est l'auteur du fameux Tafsir ibn Kathir. Ce qu'on appelle nous en tout cas par Tafsir ibn Kathir. Et donc il lui a demandé quel est le sens de la lettre dans le hadith, c'est-à-dire celui qu'on a précité. Il répondit, Al-Kalima, le mot. Et ce, en raison du hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire qu'Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ce que le cheikh a cité est ce qui est juste. Car si le sens de lettre était la lettre de l'alphabet, Alif serait alors 3 lettres. Et Lam 3, ainsi que Mim. Et il se peut que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Ils font donc être attentifs à cela, car beaucoup de gens ne le savent pas. Puis il a ensuite rapporté qu'il a vu dans un livre d'Ibn Taymiyyah, qui concerne le mantiq, qu'il disait cela. Le fait d'appeler le nom seulement un mot, c'est Ibn Taymiyyah qui parle maintenant, le fait d'appeler le nom seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme par exemple bel et hel, hein, voyons encore une fois l'importance de la langue arabe. Ceci est un jargon spécifique à certains grammairiens. Elle ne fait pas partie de la langue arabe à la base. D'accord ? Il continue en disant وإنما تسمي العرب هذه مفردات هذه مفردات حروفا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام يعني ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولدي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل وحده وحرف المعنى بقوله ألف حرف وهذا اسم ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن المنطق بالزاي من زيد فقالوا زاي فقال نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه ثم بسط الكلام في التقرير ذلك هو واضح على كل حال on rentre un peu technique ici. Il dit donc le fait d'appeler le nom, comme on a dit, hein, seulement un mot, et le verbe seulement un mot, et la préposition seulement un mot, comme hal et bel, et bien ceci c'est un jargon spécifique à certains grammairiens. Elle ne fait pas partie de la langue arabe à la base. Et il dit, les arabes appellent ces mots lettres. Et fait partie de cela, le hadith, puis il a cité le hadith qu'on a précité, ce qui est suivi comme avis par les gens de précision, parmi les ulama, les muhaqqiqoun, c'est que le sens de lettre ici, c'est le nom seulement, et le verbe seulement, et la préposition seulement. En résumé, avec toutes ces discussions, qu'est-ce qu'on doit retenir, nous ? Qu'est-ce qui est voulu ici par lettre ? C'est pas la lettre alphabétique, c'est quoi ? C'est le kalima, c'est le mot. C'est ça que nous, on doit retenir. Pour les frères qui ont un peu plus facilité dans les termes, les terminologies en grammaire, hein, ben, alhamdoulilah, ils peuvent retourner aux sources qu'on a citées, ils peuvent lire le kalam ici. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre, et c'est « At-ta'minu wa jahru l'imam bihi ». L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah, il dit le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر فقولوا آمين يحبك الله. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était le hadith, s'il n'y a pas une faute de frappe ici, c'est يحبكم الله ou يحبك الله. C'est peut-être une petite recherche pour vous, j'essaierai de le faire pour le prochain cours, inshallah. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimallah, nous rapporte un nouveau chapitre qu'il a placé sous le, ou en tout cas que nous avons placé sous le titre et qu'il a placé lui-même sous le titre, le fait de dire Amin et le fait que l'imam le dise à voix haute. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, hein, avait fini de réciter la Fatiha, il disait Amin. Amin à voix haute et en allongeant les voyelles. Il ordonnait aux gens en prière derrière l'imam de dire Amin tout de suite après que l'imam l'ait dit. Lorsque l'imam a fini de réciter Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, dites Amin. Et on va voir exactement quand il faut le dire et comment il faut le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit directement se poser la question. Hein? Je crois que c'est là. Les trois volumes, je crois que sont là-bas. Tu auras plus facile. C'est bien que le frère cherche directement, comme ça on a la réponse directement. Comment est-ce qu'on fait? Regardez la question. Tu dois te poser la question directement. Comment est-ce qu'on fait pour dire en même temps que l'imam et en même temps le dire directement après lui? Eh bien, Cheikh Bezmoul, il a eu l'occasion, la ni'ma, de rencontrer Cheikh Al-Albani. Il lui a posé la question, il va le rapporter après, Inch'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Non pas de ceux, la traduction de surat al-Fatiha de ce verset-là, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés, dites Amin. Car les anges disent Amin et l'imam dit Amin. Et dans une autre version du hadith, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et celui dont le Amin, c'est-à-dire le Ta'min, coïncide avec celui des anges, et dans une autre version encore, lorsque l'un d'entre vous dit Amin dans sa prière et que les anges dans le ciel disent Amin, en même temps, eh bien ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. C'est une sunna sur laquelle Cheikh Al-Albani rahimahullah il insistait beaucoup. Dans notre hadith, dites Amin et Allah vous aimera. Ou Allah t'aimera. Et bien ça, on va voir quand le frère il va vérifier ici, Inch'Allah. Hein? Il disait également, les juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils ne l'ont fait pour le salam, le salut, et le fait de prononcer Amin. C'est-à-dire le fait de dire Amin derrière l'imam. Maintenant, l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidahullah, sur ce passage-là ou de ce passage-là. هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية. Il dit donc ce chapitre contient les points suivants comme il fait chaque fois, d'accord? Et ils sont les suivants. المسألة الأولى التأمين وهو قول آمين معناه في اللغة اللهم استجب. Pour les gens qui ont fait un peu de grammaire aussi, comment on appelle ça آمين? اسم فعل أحسنت اسم فعل. اللهم استجب وقيل معناه سبحانك يا الله وقيل معناه يا الله والمصلي إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم وصل إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين سن له أن يقول بعد هذه آمين كما كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc vous voyez que j'avais raison la cour passée quand je vous ai dit que ce livre, en fait, chapitre par chapitre, c'est comme si on faisait quoi? Le détail du hadith. Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Parce qu'on doit savoir comment. Prier comme vous m'avez vu prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et tout ce qu'on fait, du premier cours qu'on a fait, il y a plus d'un an maintenant, hein, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin, inchallah, ce sera toujours sous ce hadith-là. Et d'ailleurs, pour les frères qui ont le livre, il est sur la... sur la couverture, pour le livre de Cheikh Al-Albani, je parle. Hein? D'accord? Tu veux, le titre en arabe ou tu l'as? Hein? Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce premier point tiré du chapitre? Eh bien, Cheikh, il dit, hafidahullah, ce chapitre, comme on a dit, contient les points suivants. Premier point, le fait de dire Amin et son sens linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est Allahumma. Stajib. Alors moi, je me suis permis de faire une petite recherche au niveau de l'Allahumma. Hein? Cheikh, il dit, Allahumma stajib, c'est-à-dire si tu voulais, oh Allah, exauce. Hein? Eh bien, rappelle, Allahumma, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, Eh bien, c'est quoi? On va commencer par la parole sur l'Éthiopie. Le Cheikh l'Éthiopie, rahimahullah, qu'Allah le préserve et le fasse miséricorde, il nous explique que Allahumma, que la lettre mim, Allahumma, la lettre mim. Alors, hein? C'est où? En haut à gauche. Là, il y a encore une autre erreur. Allah alam. Moi, j'ai vu dans le livre de Cheikh Bazmoul, pour les frères qui n'ont pas suivi, « Faqoulou amin yuhibbak Allah ». Moi, ça m'a posé une question. « Qoulou yuhibbaka ». Vous cernez un peu ou pas? Dans le verbe impératif, c'est un pluriel ou pas? Et puis, la réponse est « yuhibbak Allah », c'est un singulier. Le frère Zalla Khairan, il vient trouver dans le livre de Cheikh Al-Albani. Mais c'est pour ça que l'édition en trois volumes, tu vas être sûr, Inch'Allah. Et en trois, tu vois, les trois volumes, c'est Fatsa là. Il est là-bas, c'est la troisième, en partant du bas, je crois. Au milieu, ouais, ça. Eh bien, quoi? C'est que... Qu'est-ce que tu as, toi? Bah, lui, il a les deux erreurs dans la même édition. Enfin, je dis erreurs, je crois pas que c'est ça. Allah alim, hein. Peut-être qu'il y a différentes narrations, c'est pour ça que dans le hadith, il faut faire attention. Mais Allah alim, je ne pense pas que ce soit comme ça. En fait, ici, c'est « yuhibbukumullah ». Mais il y a une autre erreur, c'est qu'au lieu d'un « ha », c'est un « jim ». C'est « yujibbukumullah ». Mais n'empêche, ça peut que ce ne soit pas une erreur. Attention, comme dans le hadith, moi je ne connais pas toutes les narrations du hadith. « Yujibbukumullah ». Tu vois, donc c'est possible. « Faqoulou, Allah vous répondra ». Ça, c'est possible, c'est pour ça que dans le hadith, il ne faut jamais dire non, c'est faux. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un muhadith, je ne connais pas toutes les narrations. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est quoi? C'est d'abd al-lafd. C'est qu'on soit sûr sur l'afd, ou au moins un des alfad. D'accord? Je te remets le tien. À la koulihan, on continue sur Allahumma d'abord. Qu'Allah le préserve nous explique que Allahumma, que la lettre mim indique al-jam', c'est-à-dire comme si tu regroupes tous les noms d'Allah dans ton invocation. Et Al-Nadr ibn Shumayl a dit, rahimahullah, man qala Allahumma faqad sa'ala Allah bi jami' asma'ihi, dhakarahu fi al-Fath kitab al-da'awat, hadith numéro 6358. D'accord? C'est-à-dire que celui qui dit Allahumma, c'est comme s'il avait invoqué Allah par tous ses noms. Et c'est cité dans Fath, c'est-à-dire Fath al-Bari, chapitre des invocations, numéro 6358. Cheikh al-Uthaymin, dans son explication de Kitab Tawhid, dit que Allahumma, son sens, c'est Ya Allah, oh Allah. Et je vous assure que j'ai résumé, il y en a à dire sur Allahumma. Vous pouvez retourner à l'Islam al-Arab, par exemple. Vous pouvez retourner à d'autres sources dans la langue arabe et vous aurez plus de détails. Il dit, Cheikh, mais oh Allah, ya Allah, mais comme c'est une formule très utilisée, le nida, vous connaissez le nida, ya c'est harf nida, d'accord, a été remplacé par un mime, d'accord, et que le mime est venu à la fin du mot, c'est bien jim, mais c'est bien damir al-jam, Yujibkum Allah. Ok, donc on va prendre cela parce que ça vient des trois volumes. Yujibkum Allah. Et Allah yazikum bikhir, si un frère il peut faire la recherche, tatabu'a al-riwayat, si c'est faire une recherche dans les riwayat, s'il n'y a pas plusieurs alfad, et ça, franchement, ça ne m'étonnerait pas s'il y en a. À la kulihal, on se base sur celle-ci pour le moment. Faqulu amin, yujibkum Allah. Faqulu amin, yujibkum Allah. Ça va? On prend celle-là, zakallah khairan. On prend celle-là et. Et on verra la suite après, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, suivez bien un peu ici. Allahumma, c'est comme si c'était Ya Allah. Mais l'Ya, il a été enlevé, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé par les Arabes. Et les Arabes, quand ils utilisent quelque chose beaucoup, ils facilitent. Allahumma, et le même, il est venu à gauche. Pourquoi il est venu à gauche? Mais Cheikh, il dit que le mime est venu à la fin du mot pour que le nom d'Allah puisse être à droite. Et qu'on ait la baraka par commencement par le nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? et de que le nom commence par Allah. Ça va? Vous suivez un peu? Il y a Allah, le ya, il est parti, c'est remplacé par un mime, le mime va à la fin du mot, à gauche, pour qu'on puisse avoir à droite le mot d'Allah, le nom d'Allah, et qu'on puisse donc avoir la baraka par le fait de commencer par le nom d'Allah. Tout ça pour dire quoi? Allahumma. Alors, une petite anecdote concernant Allahumma, je sais que je vous cite souvent dans mes cours le sens d'Allahumma, mais j'ai cité un autre sens. C'était quoi que je vous dis dans mes cours en général, Allahumma? C'est comme... Ne me faites pas peur, hein. C'est comme si tu regroupais, tu concentrais tout ton cœur sur le dua. Puis je me suis un peu inquiété quand j'ai vu toutes ces paroles. Je me suis dit, parce que ça fait des années que je l'ai lu dans un livre. Je me dis, peut-être que c'est moi qui me trompe. Ce que j'ai fait, j'ai cherché, alhamdoulilah, Allah Azim a facilité, j'ai retrouvé la parole. Et c'est Cheikh Uthaymeen qui dit ça aussi. Il dit ça, donc je vous donne la référence, le Qawl Mufid, Sharh Kitab Tawhid. Et il dit quoi? Il dit, Allahumma ya'ni ya Allah, wa lihada bunyat ala dham. Non, on va plus dans le détail. Regardez, Allahumma, où est-ce qu'il y a un damma ici? Sur quelle lettre? Al-ha, Allahumma, vous suivez, hein? D'accord? Avant, on avait dit quoi? Ya Allah. Si on met tout le shakl, ya Allah, hu. D'accord, vous suivez. Hein? Ya Allah, li hada bunyat ala dham, li anna al-munada alamun. Trop compliqué. Non? Ou t'aimes bien plutôt? Hein? Est-ce que je te vois sourire? Bel huwa a'lamul a'lam wa a'raful ma'arif ala l'itlaq. D'accord? Wal mim, je vous assure, Allah, je suis pas entré dans le détail parce que. Wal mim iwadun an ya al mahdoufa wa sarat fi akhir al kalima. تبركا باسم الله سبحانه وتعالى وصارت ميما لأنها تدل على الجمع فكأن الداعي جمع قلبه على الله. D'accord. شرح كتاب التوحيد القول المفيد شرح كتاب التوحيد شيخ العثيمين فوليوم 1 باج 572 pour les Belges, الطبعة l'édition ابن الجوزي. Ça va, vous suivez? Non, Cheikh Bazmoul, il va parler aussi d'un peu d'Allahumma. Mais qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Bazmoul? Il dit, ou plutôt d'Amin, Cheikh Bazmoul, il dit que Qawl Amin, sunnatun lil imam. Est-ce que j'ai traduit le premier point ou pas? Je me perds un peu dans tout ça. J'ai traduit ou pas, les frères? Non, pas tout. Hein? Ok, Cheikh Bazmoul dit donc, on revient au premier point, dit que parmi les sens rapportés de Amin, c'est Subhanaka Ya Allah. Parmi les sens. Et aussi Ya Allah, comme on a déjà vu. Le prieur, lorsqu'il entend l'imam réciter la Fatiha et que l'imam arrive à Ghayril Maghdoubi Alayhim Wala Dhalin, c'est une sunna pour lui de dire Amin après le verset cité. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le disait, et ce en raison de la généralité du hadith, priez comme vous m'avez vu, priez. Deuxième point tiré du chapitre. المسألة الثانية. قول آمين. سنة للإمام وللمأموم. وسنة للإمام في الصلاة الجهرية يجهر بها بعد قراءة الفاتحة. يقول آمين. سنة للإمام وللمأموم. سنة للمأموم يجهر بها حين يبلغ الإمام قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول آمين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا الموضع من المواضع التي يتفق فيها تأمين الإمام وتأمين المأموم. وكنت سألت الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في زيارته إلى المملكة العربية السعودية عن مسألة تأمين المأموم مع تأمين الإمام، فقال الشيخ بلا سيتي لا ريبونس في انا في دير السسبنس. دوزيام بوين. Dire Amin est une sunna pour l'imam et celui qui prie derrière l'imam. C'est une sunna pour l'imam dans la prière à voix haute. Il dit Amin à voix haute après la lecture de Surat al-Fatiha. Et il dit Amin. C'est une sunna pour celui qui est derrière l'imam de la dire à voix haute lorsque l'imam arrive à Ghayril Maghdoubi Alayhim Wala Dhalin. Il dit Amin. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que ceci fait partie des moments où le ta'min, le fait de dire amin de l'imam, et le ta'min de celui qui prie derrière l'imam se retrouvent au même moment. D'accord ? Alors, cher, il dit, j'ai demandé à Cheikh Nasser Dil Albani qu'Allah lui fasse miséricorde lors de sa visite en Arabie Saoudite en 1410 de l'Hégire. Sur l'affaire concernant le ta'min du ma'moun, etc. On va lire ça ensemble, inshallah. فقال الشيخ رحمه الله على المأموم et vous allez voir hein, pour les frères qui connaissent Cheikh Al-Albani, vous allez reconnaître le style de Cheikh Al-Albani, la précision hein, la précision d'un hein, artisan qui réparait les horloges, si vous voulez hein, vous savez que c'était le métier de Cheikh Al-Albani رحمه الله, vous savez ça ou pas? Cheikh Al-Albani réparait les horloges رحمه الله. Regardez la précision, subhanallah. Il dit على المأموم أن يؤخر تأمينه عن تأمين الإمام بمقدار حرفين حرف أو حرفين. Pourquoi? Il va dire pourquoi. بأن يكون تأمين المأموم عقب تأمين الإمام وملتقيا به في بعض الحروف. فإذا قال الإمام آمين يبدأ المأموم في قوله آمين فيلتقي هو والإمام في بعض حروف الكلمة ويسبقه الإمام في حرفين أو حرفين من الكلمة. فيحصل في ذلك التقاء الإمام والمأموم في قول آمين في بعض حروفها من آخرها ويحصل بذلك وقوع تأمين المأموم عقب تأمين الإمام. Donc comment Cheikh Al-Albani il a donné la solution par rapport à ça, il a regardé la précision de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc la question c'est sur l'affaire concernant le ta'min du ma'moum, celui qui est derrière l'imam, et le ta'min de l'imam. Mais Cheikh Al-Albani répondit que celui qui prie derrière l'imam se doit de retarder son ta'min par rapport à celui de l'imam d'une lettre ou deux. D'accord ? De manière à ce que le ta'min du ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, soit directement après celui de l'imam. C'est-à-dire quand l'imam il commence d'une lettre ou deux, amin, toi tu commences. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? Donc tu auras avec ça fait le fait de lire directement après l'imam. Mais maintenant, comment être conforme en même temps dans le ta'min ? Eh bien, c'est simple. S'il commence après une lettre ou deux lettres, bien obligé, il va se retrouver en même temps que l'imam dans les dernières lettres du amin. Eh bien, là, avec là, il aura fait les deux. D'accord ? Que celui qui prie derrière l'imam se doit de retarder son ta'min par rapport à celui de l'imam d'une lettre ou deux. De manière à ce que le ta'min du ma'moum soit directement après celui de l'imam et en même temps qu'il rejoigne le ta'min de l'imam dans certaines de ces lettres. Vous suivez ou pas? Amin, il y a plusieurs lettres ou pas dans Amin, c'est pas une lettre, on est d'accord. Hein? Quand l'imam il commence Amin d'une lettre ou deux, toi tu commences. Donc il t'aura devancé d'une ou deux lettres et en même temps tu l'auras rejoint dans le reste des lettres. C'est clair ou pas? Donc, si l'imam dit Amin, le ma'moum commence à dire Amin de manière à ce qu'il rejoigne l'imam dans certaines de ses lettres, de son ta'min. L'imam le précède donc d'une lettre ou deux dans le ta'min. L'imam et le ma'moum se rejoignent donc dans le ta'min, dans certaines des dernières lettres du ta'min, et ce, et de cette manière également. Le ta'min du ma'moum se fait juste après celui de l'imam. Troisième mas'ala. المسألة الثالثة فضل قول آمين. ذكر المصنف رحمه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين وقال المأموم آمين فالتقى تأمين الإمام مع تأمين الملائكة مع تأمين المأمومين غفر الله له ما تقدم من الذنب. الفضل الثاني أنك إذا قلت آمين فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك قول آمين لأن معناها كما نفي دجا اللهم استجب. والفضل الثالث ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام ولذلك علينا أن نحرص على هذا التأمين. Qu'est-ce que le Cheikh nous dit dans ce troisième point? حفظه الله جزاه الله خيرا. La préscience de cette parole Amin, la préscience, le bienfait, si vous voulez, de cette parole Amin, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, de Cheikh Al-Albani, a rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam, lorsqu'il dit Amin, les anges disent Amin, et que le ma'moum dit Amin. Le ta'min de l'imam, s'il rejoint celui des anges et celui de ceux qui prient derrière lui, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand tu dis amin et que tu rejoins le ta'min de l'imam et des malaïka? Eh bien, Allah lui pardonne ce qui a précédé comme péché. La deuxième préséance ou le deuxième bienfait de dire amin, que si tu dis amin, Allah exauce ta demande. Pourquoi? Quand on a vu que son sens c'est Allahumma stajib, oh Allah exauce. Exaucer, c'est littéralement, c'est quand tu fais une dua, hein, en flamand, tu vas dire antwoorden. Ça va, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre, exaucer. D'accord? La troisième préséance, troisième bienfait, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs ne vous ont pas envié pour quelque chose comme ils vous ont envié pour le salam, le salut, et le ta'min derrière l'imam. Pour cette raison, nous devons désirer ardemment le ta'min. Donc vous voyez, regardez, amin, c'est un mot, c'est un kalima. Regardez le fadl, la préséance, l'importance, tout ce qu'on tire de ça. Vous voyez ou pas? C'est pour ça, encore une fois, l'importance de ce genre de cours. Où tu vas rester toute ta vie amin et tu ne sais même pas ce que tu dis. Le quatrième point tiré de ce chapitre, madakara من الفضل في اجتماع تأمين الإمام والمأموم يدل على أن المأموم لابد أن يكون حاضر الذهن. On revient encore une fois à être attentif. في الصلاة متابعا لصلاة الإمام ومراقبا لتلاوته وقراءته حتى لا يفوته موقع التأمين. فإذا فاته موقع التأمين فاته حصول الأجر والثواب المذكور في هذه الأحاديث. وهذا من دواعي حضور القلب. Quatrième point qu'il cite le cheikh ici. Ce qui a été rapporté comme préséance, bienfait, à ce que le ta'min de l'imam et du ma'moum soient en même temps, se rejoignent, indique que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, soit attentif dans sa prière à ce qu'il suive correctement l'imam. Sinon, comment tu vas faire? Regarde surtout quand Cheikh Al-Albani a dit que il doit te dévancer que d'une lettre ou deux. Si toi t'es ailleurs, comment tu vas pouvoir faire cela? Qu'il surveille sa lecture, sa récitation, yuraqib en arabe, de manière à ce qu'il ne rate pas le bon moment pour dire amin. Car s'il le rate, et comme Cheikh Falah Ismail l'avait dit, justement, une bonne manière de savoir si tu es concentré ou pas, mais tu te poses la question après, la salah. Avec quoi l'imam il a prié? Si tu ne sais pas répondre, ben tu as ta réponse en fait. D'accord? Car s'il le rate, il aura raté la récompense qui est rapportée dans ces hadiths. Ceci fait partie des choses qui nous obligent, nous incitent à avoir un cœur présent et une âme concentrée, ainsi que le corps dans la prière derrière un imam. Et Allah, il est plus savant. Cinquième et dernier point, inshallah, en tout cas pour le chapitre, et après on va rapporter la petite nasiha et le petit rappel qu'on va faire ensemble, inshallah. Al mas'alatu al khamisa wa hiya tanbih adhkuruhu huna bi munasabati dhikr al ta'min. Idha alimta anna ma'na qawl amin allahumma istajib aw ya allah fa inna ma yaf'aluhu ba'd al nas athna'a du'a al iman fi al qunut idha ja'a dhikrun ma fihi aw dhikru ma fihi ta'dhim allah wa athna'a alayh سبحانه وتعالى وتمجيده تركوا قول آمين وقالوا سبحانك أو كلمة أخرى فهذا خلاف السنة وكلمة آمين تكفي في جميع الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو طلب وطلب أم كان دعاء تمجيد وتعظيم لله عز وجل. ها يا بري دي قنوت يدي كوا الشيخ يدي 5e point tiré de ce chapitre, c'est une remarque. Je profite de l'occasion de parler du ta'min, c'est-à-dire que j'ai une remarque que je fais à l'occasion justement du fait qu'on parle de ta'min, donc le cheikh il en profite, pour attirer l'attention sur quelque chose. Il dit, cheikh, maintenant que tu connais le sens de amin, Allahumma stajib, ya Allah, ou bien ya Allah, oh Allah, tu sauras que ce que font certaines personnes lors des invocations dans le qunut, lorsque l'imam fait la louange d'Allah et le glorifie, ils ne disent pas amin. Ils laissent le ta'min et disent quoi? Subhanak. Mais Cheikh, il dit quoi ou autre chose? Il dit, Cheikh, ceci est contraire à la sunna. Car le ta'min, cette parole amin, suffit pour toutes les invocations. Et quand tu comprends la vocation, c'est quoi? Qu'il y a plusieurs genres d'invocations, de dua, eh bien tu as compris. Parce qu'il y a dua tamjid wa ta'zim, wa dua talab wa mas'ala. Hein? Et ça, on va voir quoi plus tard dans Tashahud, inshallah, qu'on va parler de Tahrik Sibaba. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est que il y a l'invocation, c'est soit dua mas'ala, une invocation de demande, ou dua ou tamjid ou ta'zim lillah, une invocation de glorification et de louange d'Allah. Et bien dans les deux, tu dis, quand l'imam il le fait, tu dis amin. Ça va? Et on entend souvent ça dans le Ramadan. On l'a peut-être même dit nous-mêmes. Donc amin, c'est ça qu'il faut dire. D'accord? Alors là, on a fini, on sort du livre de Sifat Salah. Alors, je me suis dit que le cours était peut-être un peu plus court que d'habitude. On a un peu moins d'une heure. À la Koulihal, j'ai voulu rapporter un petit rappel sur les bienséances à observer en hiver. Comment le croyant se comporte en hiver. D'accord? Et c'est sous le titre « Adab ou Shita ». Ghanimatul abidin wa rabi'ul mu'minin. L'hiver, c'est le butin des adorateurs et le printemps des croyants. An Omar radiallahu ta'ala an qal ash-shita'u ghanimatul abidin. Rawahu Abu Nu'aym bi isnadin sahih. Donc c'est quoi? C'est que Omar radiallahu anhu arda, il a dit l'hiver est le butin, vous connaissez le mot ghanim, hein? Le butin des adorateurs. Et c'est rapporté par Abu Nu'aym, rahimahullah, avec une chaîne de transmission authentique. Écoutez la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah. Qal Ibn Rajab, rahimahullah, ce grand imam qui a fait notamment parmi ses livres très connus, c'est quoi? Jami' al-ulum wal-hikam. Quelle explication des... Ah, il y en a, ils sont précis, ils disent 50, ils n'ont pas dit les 40 hadiths nawawi. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas 40 dans le hadith nawawi, il y en a 42. Hein? Non. Et puis, plus que Ibn Rajab lui-même, il a rajouté 8 hadiths pour terminer 50 et pour, qui sont du même type que les 42 hadiths nawawi ou les 42 si vous voulez. C'est quoi le type? Min jawami'il kalim. C'est des paroles, des hadiths qui sont courts mais sont, ils regroupent beaucoup de choses. Jawami'il kalim. Ils sont génériques si vous voulez. D'accord? Et il a expliqué les 50 hadiths lui-même. Et il l'a appelé jawami'il ulum wal-hikam. C'est parmi Cheikh Al-Abbad, pour les frères qui ont écouté toutes les cassettes de, ou certaines des cassettes de 42 hadiths nawawi, son explication, il fait souvent référence à ce livre-là. Et il dit que son charh à lui, qui est écrit maintenant, qui est publié, il s'est basé sur celui-là et le charh de Cheikh Al-Uthaymin. Hein? Et souvent, il y a un talib à Médine qui lit de Jami' al-Ulum al-Hikam sur Cheikh Al-Abbad et Cheikh Al-Abbad, il l'explique. Ibn Rajab, c'est un grand imam. Et parmi les grandes choses qu'il a fait, c'est quoi? Fath al-Bari. Il a son propre Fath al-Bari, qui est son explication de Sahih al-Bukhari, mais qui n'est pas complet. D'accord? Il dit, Ibn Rajab, rahimahullah, « Innama kana shita'u rabi' al-mu'mini, l'annahu yarta'u fihi fi basatini ta'at, wa yasrahu fi mayadini al-ibadat, wa yanzah qalbuhu fi riyadi al-a'mal al-muyassarati fihi. » Ibn Rajab, rahimahullah, il a dit une très belle parole. L'hiver est le printemps du croyant. Car le croyant prend plaisir et mène une bonne vie dans les vergers, les jardins des obéissances en hiver. On va comprendre pourquoi, inshallah. Et s'en donne à cœur joie dans les champs des adorations. Et son cœur se sent bien dans les jardins des actions qui sont plus faciles en hiver. Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل القيام ويقصر فيه النهار للصيام. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda'ah, hein, il a dit bienvenue à l'hiver, car en hiver descend la baraka. Les nuits ils sont plus longues pour les prières nocturnes et les jours sont plus courts pour le jeûne. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. Regardez ce hadith. On peut même l'étudier par cœur maintenant. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. C'est un hadith qui est rapporté, rawahu Ahmad wa hassanahu al-allamah al-albani, en dur al-sahiha wa sahih al-jami'. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne en hiver est le butin froid. Qu'est-ce qu'on va comprendre par froid? On va voir qu'est-ce que ça veut dire froid chez les Arabes. Et c'est rapporté par Ahmad et jugé Hassan par Sheikh al-Albani dans sahih al-jami'. Je vous donne la référence pour ceux qui veulent. 3868, et le recueil des hadiths authentiques, ce qu'on appelle silsilat al-hadith sahiha, numéro 1922. En sachant que les Arabes, quand ils parlent de froideur, burouda, comme ici dans le hadith, cela a pour sens de facilité, de bon. Quelque chose de facile, de bon. D'accord ? قال ابن رجب رحمه الله فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. انظر لطائف المعارف. ابن رجب رحمه الله encore lui il dit, le croyant peut en hiver jeûner le jour sans souffrir de la faim ni de la soif, car le jour est court, en hiver est froid. Il ne ressent donc pas de difficulté dans son jeûne. Et spécialement maintenant, pourquoi? Les frères Zam al-Khiran, ils viennent de confirmer que là on est rentré dans Dhul-Hijjah. D'accord? Donc à partir de maintenant, on est dans les 10 premiers jours Dhul-Hijjah. Et vous connaissez, Abu Khadija a déjà fait 2 khutbas là-dessus. Vous connaissez le fadl de Dhul-Hijjah maintenant, hein? Que les ulama disent, les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan, et les 10 meilleurs jours, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et parmi, il faut faire le maximum de ta'at, et parmi les bonnes ta'at, en tout cas c'est celle que le prophète Azim faisait beaucoup, c'était quoi? As-siyam. Et il dit, fa'inna al-mu'min yaqdiru fi shita. On a déjà lu ça, hein? J'ai lu ou je ne l'ai pas lu? Il dit, on a dit qu'il ne souffre pas de la faim et du froid. Hein? Okay. Ben maintenant, on avance à un autre point. En hiver, qu'est-ce que le croyant, quand il est en hiver, à quoi il doit prêter attention et à quoi il doit se rappeler? Regardez, subhanallah, le croyant, comment il est différent du kafir. Et le croyant qui n'est pas insouciant, évidemment. Regardez comment, subhanallah, chaque chose dans sa vie, il en tire du bien. L'hiver, il en tire du bien. C'est quoi? Nafasushita. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ishtakati an-nar ila rabbiha faqalat ya rabb akala ba'di ba'da fa'adhina laha binafasaini nafasun fi shita wa nafasun fi s-sayfi fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir wal muradu biz-zamharir shiddat al-bard. Le messager d'Allah a dit, l'enfer s'est plaint à son Seigneur. Ô mon Seigneur, une partie de moi-même a consommé une autre partie. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Son Seigneur l'a autorisé de souffler 2 fois. Une fois en hiver et une fois en été. Et c'est ce que vous sentez de plus chaud et c'est ce que vous sentez de plus froid. D'accord? Qala ibn Rajab, rahimahullah, fa inna shiddata bardi dunya yudhakkiru bi zamhariri jahannama. وهذا يجب الخوف والاستعادة منها فأهل الإيمان كل ما هنا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم ويجب لهم الاستعادة منها ويذكرهم بالجنة التي يصف الله عز وجل أهلها فيقول تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ابن رجب qu'est-ce qu'il a dit رحمه الله? Le grand froid de ce bas monde le rappelle, il parle des croyants, le zamharir, le grand froid, comme on l'a dit, qui vient, on a dit quoi, qu'il y a un nafas en été, un nafas en hiver. C'est-à-dire que l'enfer souffle et que donc ce qu'on trouve de plus froid en hiver, c'est ça. Et ceci suscite la peur et de rechercher refuge en Allah contre cela. Les croyants, tout ce qu'il y a dans ce bas monde comme bonheur et aussi endroit très chaud leur rappelle les bonheurs et l'extrême chaleur dans l'au-delà. À tel point que lorsqu'ils sentent un froid vif, rigoureux, cela les pousse à se rappeler du Zamharir de l'enfer. Et cela les pousse à chercher refuge en Allah contre cela. Et cela leur rappelle le paradis dont Allah les décrit les gens, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, ici c'est la traduction du sens, et ils seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil, ni froid glacial. Zamharira. Vous voyez maintenant qu'est-ce que ça veut dire ? قال ابن رجب رحمه الله فنفى عنهم شدة الحر والبرد وقال قتادة علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى تهجد فكل ما في الدنيا يذكرهم بالآخرة. ابن رجب رحمه الله il a dit Allah a dit qu'il ne serait pas touché ni par l'extrême chaleur ni par le froid glacial. Il parle de qui des gens de l'Jannah, أهل الجنة. Qatada, rahimahullah, il a dit, Allah sait, Qatada c'est l'élève de qui dans le tafsir Pour ceux qui ont fait peut-être aussi le tafsir, vous avez fait avec le frère Abou Yahya, non? Il a parlé de ça, non? Obligé là, parce qu'il l'a fait, c'est au tout début du livre. Hein? C'est pas l'élève d'Ibn Abbas, non? Hein? Qatada et Mujahid, les deux. Allah sait que l'extrême chaleur est nuisible, ainsi que le froid glacial est nuisible. Allah les a alors préservés de ces deux maux. Cela les pousse donc à faire des efforts, il parle des croyants, et à se fatiguer, car tout ce qu'il y a dans ce bas monde les pousse à se rappeler dans l'au-delà, de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla qui nous fasse parmi les gens qui tirent des bénéfices de toute l'année, que ce soit en hiver ou en été. Qu'on ne soit pas parmi le ghafiloun, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ainsi que les autres jours de l'année et qui nous fasse parmi ceux qui tirent le maximum de bienfaits de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc je termine par l'annonce qu'on m'a demandé de faire. Jeudi 18 novembre 2010, inshallah, de 13h à 18h30. De 13h à 18h30, il y a ce qu'on appelle la Family Aid Fun Day. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est... Aid, en fait, il a voulu dire Aid. Family Aid Fun Day. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est on s'est déjà calculé, c'est le premier jour ou le deuxième jour ? Ou le troisième, 18, ouais ? Deuxième, il y a Khtilaf là déjà. Si dimanche maintenant, là, c'est on est le combien demain ? Le 7 novembre, Inch'Allah, yak. Ben, on sait faire le calcul. Hein, parce que l'Aïd, c'est quel jour de Dhul Hijjah ? C'est le 10, d'accord ? Eh bien, ça se trouve à Second City Suite. Suite, je suis fatigué. C'est pas grave. Donc, Second City, c'est quoi ? Second City, c'est une salle en fait de fête. Il paraît que c'est une très belle salle. Il paraît que, Inch'Allah, Annie, les sœurs auront le beau jeu parce qu'elles vont voir le grand côté de la salle, Inch'Allah. C'est numéro 100 de Sherlock Street. Donc S-H-E-R-L-O-C-K 87. Non, Sherlock Street, je suis vraiment fatigué. Donc j'ai dit numéro 100, Sherlock Street. Et je vous donne le postcode, c'est B5-B5-6-L. Hein? L. Pourquoi ? Lima, comme ils disent en anglais. Et T comme Tango, ils disent, hein? Alors, parmi les activités, écoutez, on m'a demandé de lire, moi je lis comme c'est Bouncy Castle, hein, les châteaux gonflables. Les gens qui rentrent là pour le cours sur Internet vont se demander quoi. Hein. Alors, il y a Double Lane Bungee, j'ai demandé qu'on m'explique c'est quoi. Apparemment, c'est un jeu avec un élastique. Celui d'aller en haut en bas, ça va horizontalement, à la coulée hell. Hein. Combattre des gladiateurs pour les enfants, peut-être aussi pour les adultes, je ne sais pas. Castle with Slide, hein, c'est-à-dire qu'il y a des toboggans. Game consoles, des jeux, des consoles. Penalty shootout. Football speed cage. Surf et snowboard simulator. Alors, il y aura, ça c'est plus pour les sœurs, du Mendy, c'est le Hanna. makeover, c'est-à-dire des soins de beauté pour les sœurs. Children's workshop, c'est-à-dire qu'il y aura des petites activités pour les enfants. Moroccan cuisine. Homemade cakes. Il y a des cakes faits maison. Confectionneries, tout ce qui est bonbons, etc., les boissons, etc. All proceeds go to Majid Sunnah. Et ça, c'est important, je crois. Cet événement, il est organisé, bah, déjà pour, alhamdoulilah, que les jours de l'Aïd, c'est des jours où on mange, on boit, hein, on est heureux, alhamdoulilah. Hein? On essaye. Hein? Sans plus, hein? Je ne dirais pas plus. Et... Et tous les bénéfices, ils vont à Majid Sunnah. Inch'Allah, notre futur Majid. D'accord ? Et on a besoin de beaucoup d'argent. Ça chiffre en millions de pounds, ya. C'est minimum, Allah Alain, c'est minimum 3 millions de pounds. Parce qu'il faut acheter une terre, il faut construire, et il faut une terre qui soit capable d'accueillir une grande mosquée et une école primaire, un collège, et des pompes funèbres ainsi qu'un parking. Vous voyez, hein? Les bibliothèques, hein? Yani, tout ce qu'il faut, quoi. Yani, tout ce qu'il faut pour la da'wah. Alhamdulillah, on a un masjid, alhamdulillah, ici, etc. Mais moi, je pense surtout aux sœurs, ikhwa. Moi, je travaille ici à l'école derrière. Wallah, c'est pas facile pour les sœurs. Le Jumu'a, nous, on vient à midi quart ici pour le Jumu'a, d'accord? Mais nous, on est encore en train de travailler à l'arrière. Hein? On est là pour le Jumu'a, mais c'est tout juste. Donc, les sœurs, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, elles doivent attendre dehors. Pour les frères qui ont des sœurs, des femmes qui viennent ici, eh bien, elles le savent, c'est pas facile, il fait froid, il faut attendre dans le froid. Il faut attendre des fois sous la pluie. Pourquoi ? Parce qu'elles ne peuvent pas rentrer tant que nous, on est toujours dans l'école. Parce qu'on leur prête en fait l'école comme lieu de prière. Donc les sœurs, elles n'ont pas de lieu de prière, il faut savoir ça. Ce n'est pas un lieu de prière derrière. C'est des classes qu'on leur prête, et elles prient comme elles peuvent dans les classes et dans le couloir ici. D'accord ? Donc c'est elles en premier, Inch'Allah, qui vont bénéficier, et nous aussi. Les places de parking, on ne doit pas parler de ça. Vous avez les problèmes qu'on a avec toutes les lignes jaunes qu'on a devant, etc. D'accord ? Les pompes funèbres. Franchement, les frères, vous avez envie de faire la vie par un soufi ? Alhamdoulilah, les frères, ils sont là, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, les frères, ils vont pour la vie, etc. Mais on est obligé, quelque part, de faire avec voilà les infrastructures qu'on n'a pas plutôt, et de les faire ailleurs, chez d'autres. L'école, il y a certains de mes collègues qui sont ici, ils savent comment on est serré au niveau de l'école, etc. On aimerait bien avoir des plaines de jeux pour les enfants, plus grandes, etc., plus de place dans les classes, ce qui joue beaucoup sur l'apprentissage d'un enfant, il faut savoir ça. Hein? Yanni, les frères, ce que je suis en train de dire ici, il faut prendre l'exemple sur nos salons. On dit qu'on est salafi, il faut lâcher. Et les mères de sadaqat, c'est que justement, des fois, quand on n'a pas. Hein? Qui d'entre nous, je ne veux pas la réponse, hein, mais qui d'entre nous a fait ce qu'on appelle une domiciliation bancaire, c'est-à-dire qu'il a été à la Mecta, il a dit voilà, moi, tous les mois, de mon compte, vous prenez 5 pounds, 10 pounds, 15 pounds. Il y a quelqu'un, on n'a pas dit le nom, mais il y a quelqu'un, parce que je connais les frères qui font le projet, etc., il y a quelqu'un qui donne 150 pounds par mois. Hein? Ça, c'est fixe. 150, et ils vont dire, ouais, mais il y a peut-être de l'argent. Je vous assure, des fois, vous serez étonné des gens qui donnent. Des fois, c'est parmi les gens qui sont le plus en situation de besoin, eux-mêmes, et c'est des fois ceux qui donnent le plus. C'est une question de taqwa, c'est une question d'iman, c'est tout. Hein? Et ça ne diminue pas de façon pas de risque, au contraire. Ta'at, elles augmentent le risque. Sahoulallah. D'accord? Donc, il faut donner. Regardez les salafs, comment ils étaient. Athman radiallahu anhu, parmi les raisons qu'il a obtenu le paradis, c'est quoi? Il a racheté quoi? Un puits. Hein? Il a aussi quoi? Fourni tout l'équipement pour Jaysh al-Usra. D'accord? Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Abu Bakr Siddiq, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Abu Bakr Siddiq, j'avais rapporté ça dans un des cours. Il avait donné toute sa fortune. Omar ibn Khattab, il a dit quoi aujourd'hui? Je vais faire mieux que Abu Bakr. Hein, regardez. Yatsabaqoun. Hein, tanafus barakallahu fik. Wa fidalika falyatanafas almutanafisun. Tanafus. Compétition dans le bien, dans ta'at, dans le bien. Hein, il avait trouvé que quoi? Qu'Abu Bakr Siddiq, il a quoi? Il a Omar l'a donné la moitié de sa fortune, moitié. Qui est capable de nous rien que de faire ça, rien que le Karbada, ou le dixième. La moitié. Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné toute sa fortune. Et quand le professeur lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour toi? Omar d'abord, il lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour toi? Et je lui ai dit, mithlahu. Il a dit, mithlahu. C'est-à-dire, l'autre moitié. Abu Bakr Siddiq, il a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour toi? Il a dit, Allah et son prophète. Ça me suffit. Regardez l'iman, ya ikhwan. Regardez l'iman. Regardez l'iman. Qu'est-ce qu'il fait, comment il élève les gens? Hein? C'est un rappel pour moi. Des fois, on est un peu difficile. Mais les ulama disent que la différence entre le karim et le bakhil, c'est que le karim, quand il veut donner que c'est dur, eh bien, il combat son nefs et il donne. C'est ça la différence, c'est tout. Tandis que le bakhil, il laisse, il ne donne pas. Hein? Franchement, qu'est-ce qui nous empêche, nous, ici, maintenant? Regardez combien de frères on est. On dit, voilà, chacun d'entre nous ici donne 1000 pentes. Déjà, vous êtes choqués. Non, attendez. 1000 pentes. Vous savez qu'un un projet comme ça va prendre au moins quelques années. Inch'Allah, on espère moins, mais là, comme on est parti, ça va prendre du temps. Et si on dit maintenant, voilà, chacun d'entre nous dit 1000 pentes, et on paye petit à petit. Regardez combien de milliers de pentes déjà on a ici. Pourquoi on ne le ferait pas? On achète bien des divans, il y a 1000 pentes, des voitures, des choses comme ça. Pourquoi pas une mosquée? Hein? On a des difficultés, certains d'entre nous, ils sont même endettés. Voilà, Kin, hein? Si maintenant tu dis, voilà, je donne 1000 pentes, et moi je donne par exemple 20 pentes par mois. 100 pour pas me. Hein? Mais dans une situation difficile moi-même, eh bien, je donne 20 pentes par mois, 50 mois, ça fait 1000 pentes. Ou bien 20 fois 50, c'est toi qui vois comment tu donnes. Ou 100 fois 10. C'est toi qui vois comment tu donnes. Tu dis, voilà, moi, Inch'Allah, promesse de don, c'est 1000 pentes. 500. 400, 200, 100, quelque chose, 2000, 3000, Allah alam. Moi j'ai déjà assisté à des gens devant moi, je vous assure, Allah, pas parmi les gens qui ont de l'argent, hein, qui donnent des sadaqat de 8000 euros facile comme ça. J'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Mais pas parmi les gens, yani, que vous croyez, yani, ils sont très riches, etc. Non. Il y a des gens, subhanallah, yani, Allah il leur a donné, c'est un tawfiq encore une fois. C'est un mot qu'on dit souvent dans nos cours, c'est un tawfiq. C'est un tawfiq, c'est tout. Allah t'a permis de donner à ce moment-là, ikhlas. D'accord? Donc, si on pouvait, Inch'Allah, s'entraider et parler, les frères, ils ont beaucoup d'emails en France, dans d'autres pays, en Belgique, et dans d'autres pays, etc. Parlez autour de vous, parlez dans vos familles, hein? Parlez du projet, etc., en une mosquée, etc. Et voilà, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, si tout le monde s'y met, hein? Parce qu'il ne faut pas croire que les francophones, ils n'ont pas leur jeu ici, leur travail à faire, leur mot à dire. Au contraire, moi, on m'a demandé qu'au niveau de notre communauté, on fasse ce travail-là. Maintenant, il y avait beaucoup d'administration, etc. Maintenant, ça commence à se clarifier, etc. Alhamdulillah. Regardez, alhamdulillah, regarde comment Allah facilite déjà les choses. Cheikh Mohamed Ben Ramzan Hajiri. Il a dit, si vous amenez tous les documents officiels, etc., comme il faut, et que moi, je puisse présenter le projet de manière officielle, etc. Il a dit, moi, je connais quelqu'un qui donne 1 million cash. 1 million de pounds cash. Regardez sadaqat, regardez Ahl Khair. 1 million cash, il a dit, cher. 1 000, franchement. À notre niveau, hein? On peut le faire, non? Yani, alhamdoulilah, Allah, il ouvre des portes. C'est pas encore fait, hein? Pas encore le million, mais... Regardez, les portes, elles s'ouvrent. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Rien que le fait de venir à ce jour de l'Aïd, c'est donner. Et donner ce jour de l'Aïd, aider, amener la nourriture à vendre, donner aux frères. Il y a des frères, Allah, ils vont être là ce jour-là, ils vont travailler, fisabilillah, ils vont travailler, ils vont cuisiner, ils vont servir. Il y a des sœurs, elles vont faire les soins esthétiques, elles vont faire le hanna, elles vont faire ça, ils vont organiser. Il faut des volontaires, il faut de l'aide. Tous les frères ici qui sont ici, tous, sans aucune exception, ils sont invités à aider. On m'a demandé de demander de l'aide aussi. Des fois, ce n'est pas que de l'argent. Hein. Des fois, c'est des bonnes idées. C'est du temps. Hein. Il y a déjà des frères, Zemlokhar, que j'ai vu de mes propres yeux. À leur niveau, ils ont pris des petites tables, des petites boissons, ils ont vendu du thé, le harira, etc., des choses comme ça, pour manger de sunnah. Donc, il y a des choses qui se font, alhamdoulilah, mais imaginez-vous, si tout le monde s'y met, et tout le monde s'y met, mais tout le temps, régulièrement. Ce n'est pas pendant une semaine, on pense qu'à ça, et après on oublie. Non, c'est tout, un petit peu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alhamdoulilah, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Au moins, si on arrive à acheter la terre, on a déjà la terre, les gens vont être plus motivés, ils vont voir que ça devient concret. D'accord? Et puis si peut-être on a déjà la mosquée, ben on peut déjà déménager la mosquée, alhamdoulilah, on a au moins déjà ça, et puis si on peut avoir l'école, etc., etc., etc. D'accord ? Et dernier rappel, mardi, inchallah, je vous dis que le cours, il commence quoi ? Une demi-heure plus tard. Inch'Allah, pourquoi ? Parce qu'on a la présentation du rapport académique de Salafi School par le directeur ici, il va appeler les parents, etc. Dans la mosquée, vous pouvez assister, ça peut être intéressant, voir ce qui était bien, parce qu'on a eu un bon rapport, alhamdoulilah, et aussi les choses à améliorer. Hein, et la stratégie au niveau des choses à améliorer, etc., inch'Allah. Je vous demande de me pardonner pour d'avoir allongé un peu aujourd'hui. Et surtout le frère qui travaille ici pour tenir ce qu'on appelle Qayyim ou le Majid en arabe, qui s'occupe de la mosquée. Et subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.